ou ka mache yon ba la pli. Ton save ou telman, telman, telman fragil. Veni kote yon mwen, mwen pe sa kache. Oh, oh, oh, mwen pe sa kache. Te dwe soti Ske ou te save Tan la te jagri A wizan ou ka tremble Ou ni la pierre.